Oh maman Marie, reine céleste, c'est en tant que ton petit enfant que je viens te présenter ces quelques mots bien insuffisants pour te témoigner de la si grande force de nos liens. Et pourtant je me sens éloigné de toi, au quotidien perdu dans mes failles et faiblesses. Je ne t'entends plus me dire viens, il semble que tu disparaisses dans le brouillard de mes préoccupations terrestres. Je sais que pour me rapprocher de toi je dois alimenter mon être de fervente et honnête prière. Et pour ta part, humble servante du Seigneur, tu dois les transmettre au Père de manière à ce que sa grâce est bonne démener du mal. L'envers au revers de mes pensées lavées seront mes mémoires et censées mon esprit, c'est-à-dire déphasées face au monde comme égaré, exilé. Oh ma maman, couvre ma nudité essentielle de ton blanc manteau, malgré tous mes péchés repassés et à venir, de ta bonté j'ose m'approcher, je t'en prie, aide-moi à tenir. Maman Marie, à toi je me confie, j'ai foi dans le fait que tu es envoyé par Dieu. Tu me suis à chaque pas, discrète présence silencieuse, mais bien là tu enrichis mon existence. Maman Marie, à toi je me confie, j'ai foi dans le fait que tu es envoyé par Dieu. Tu me suis à chaque pas, discrète présence silencieuse, mais bien là tu enrichis mon existence. Dans des lieux dévastés de vanité, je marche pas hésitant, désaxé, je suis à la recherche de ma tâche, existence a besoin de sens pour un homme. L'absurde est inhumain, l'amour divin, ceux qui pensent plaies creusées par la fin d'absolu. Le fond de l'âme est sans fin, entouré de formes évanescentes, mon cœur d'une lame incandescente percée. Je forme des projets toujours déjà dépassés. Je titube, ivre de désarroi, désarmé, parfois désormais mon seul pilier. Mais un homme peut-il toujours lutter sans lâcher ni flancher à terre? Je suis sans secours sur le plancher de mes péchés. Tout autour déjà des vautours grosses approches, arriché par le puits qui donne mon cœur source d'amour. Peut de mon corps alléger la peur qui me dévore et me ressoure. Et cet amour ne peut s'écriter, il faut d'abord n'y vain concours. Oh ma chère maman, toi dont Dieu décida de faire un signe pour les errants que nous sommes entre nous la voix. Maman Marie, à toi je me confie, j'ai foi dans le fait que tu es envoyé par Dieu. Tu me suis à chaque pas, discrète présence silencieuse, mais bien là tu enrichis mon existence. Maman Marie, à toi je me confie, j'ai foi dans le fait que tu es envoyé par Dieu. Tu me suis à chaque pas, discrète présence silencieuse, mais bien là tu enrichis mon existence. Aujourd'hui maman, dans la joie, j'ai foi en ta proximité. En même temps ma hantise est de n'être pas à même de t'approcher, tant t'es grand de ma bassesse. Immergé dans mes péchés, si je n'étais repêché sans cesse, je sombrerais, ne saurais me relever. Mais par ton amour immaculé, tu m'offres l'accès à la main céleste. Chaque jour ton message, je le sais, consiste à dire sans cesser prier de Dieu, vous obtiendrez des grâces, non selon vos souhaits, mais en fonction de la science miséricordieuse du Père. Car dans votre inconscience, ce souci par mon que de repères, bien souvent vous aspirez à ce que vous devriez exécrer. Mes enfants de Christ, aspirez-vous et marchant dans ces pas, créer les conditions de l'accomplissement humain et redéfie en vérité à tout moment les épines de la couronne de Messie. Nos gris flammes à sang ardent, je serre les dents et tente d'avancer, chutant et me relevant, m'appuyant sur ta tendresse confiante. Maman Marie, à toi je me confie, j'ai foi dans le fait que tu es envoyé par Dieu. Tu me suis à chaque pas, discrète présence silencieuse, mais bien là tu enrichis mon existence. Maman Marie, à toi je me confie, j'ai foi dans le fait que tu es envoyé par Dieu. Tu me suis à chaque pas, discrète présence silencieuse, mais bien là tu enrichis mon existence.